À l'occasion de la promotion du camarade Kim Jong-un au poste de président du Comité des affaires d'État de la République populaire démocratique de Corée, Bunyang Vorachit, président de la République démocratique populaire Laon, lui a fait parvenir le vite courant un message de félicitations. Le destinataire s'est exprimé convaincu de nouveaux succès de la Corée dans la défense de la patrie, l'édification d'un pays prospère et l'amélioration de la vie du peuple grâce à la direction du maréchal Kim Jong-un. Surtout, il a montré sa certitude de plus grands et nouveaux succès dans la défense de la paix et de la sécurité dans la péninsule coréenne à partir du principe de la grande union nationale. Il s'est exprimé satisfait du développement continu des excellentes relations traditionnelles d'amitié et de coopération entre les deux pays qui contribuent à donner les intérêts substantiels au peuple de deux pays, à défendre la paix et la sécurité de la région et à développer les relations de coopération. Finalement, il a souhaité santé et bonheur au maréchal Kim Jong-un et plus grand succès dans son noble travail.